Chapitre 6e. À cette question de la comtesse, Horace se trouva assez embarrassé, car sans savoir si son maître serait ou ne serait pas bien aise de voir des personnes de connaissance, il n'avait pas oublié la consigne qui lui avait été donnée. Comme il hésitait, ce fut Mademoiselle Belmont qui l'interrogea. « Comment se porte le colonel ? » dit-elle. Horace était ainsi fait qu'il ne savait ni résister ni rien refuser à une femme. « Hélas, pas trop bien, » répondit-il. « Et où donc êtes-vous présentement ? » demanda le prince. Horace en avait trop dit pour refuser maintenant de répondre. Il dit donc que son maître et lui étaient depuis plusieurs semaines à l'hôtel du Rigivaudois. « À l'hôtel du Rigivaudois, vraiment ? Quelle bizarre coïncidence ! C'était là justement qu'ils allaient. » « Le cocher nous disait qu'il n'y avait pas de chambre vacante en ce moment, » continua la comtesse. « Est-ce que cela est vrai ? Le savez-vous ? » « Hélas, oui, il le savait, et il fut bien obligé d'en convenir. »« Comment ? Pas même trois petites chambres sous les toits. » Cela, Horace ne pouvait pas le dire, mais il pensait qu'il fallait en tout cas s'en assurer et monter jusqu'à l'hôtel pour voir. « Voulez-vous prendre place auprès du cocher ? Dit le prince. « Vous nous introduirez, et puisque vous habitez cet hôtel depuis plusieurs semaines, vous nous recommanderez au calenar. On aura sans doute plus d'égards et de complaisance pour des amis de votre maître qu'on en aurait pour les premiers venus. D'ailleurs, le colonel pourra nous appuyer lui-même. Malheureusement, cela ne serait sans doute pas possible, car le colonel n'était pas en ce moment à l'hôtel. Il était parti le matin pour une excursion dans la montagne, et il ne rentrerait probablement que dans la soirée. À l'hôtel, le calenar répéta au prince Mazzazoli ce qu'Horace avait déjà dit. Il n'y avait pas d'appartement disponible en ce moment. Si son excellence avait pris la peine d'envoyer une dépêche, quelques jours à l'avance, on aurait été heureux de se conformer à ses ordres. Mais on ne pouvait pas déposséder les personnes arrivées depuis longtemps pour donner leurs appartements à des nouveaux venus, si respectables que fussent ceux-ci. Horace voulut intervenir, mais ce fut inutilement. « La seule chambre libre en ce moment est celle qui sert de salle à manger à votre maître. Et encore n'est-ce pas ce qu'on peut appeler une chambre libre ? Elle ne le deviendrait que s'il voulait bien la céder. » À ce mot, le prince, qui avait tout d'abord montré un vif mécontentement, se radoucit et se tourna vers Horace. « Est-ce que le colonel tient beaucoup à cette chambre ? » demanda-t-il. « En a-t-il un réel besoin ? Si je me permets cette insistance, c'est que nous nous trouvons placés dans des conditions toutes particulières. » Le séjour de Paris, dans un air mou et vicié, a été contraire à la santé de Madame la comtesse Belmonte. On lui a ordonné, comme une question de vie ou de mort, l'habitation pendant quelque temps dans une haute station atmosphérique. Et c'est là ce qui nous a fait choisir le Glion, où nous assure-t-on son anémie et sa maladie nerveuse disparaîtront comme par enchantement, par miracle, dans cet air raréfié. Le Kellner crut devoir faire observer qu'au Glion, ses guérisons étaient fréquentes. C'était une station privilégiée sous tous les rapports, non seulement pour la santé des malades, mais encore pour l'agrément, dans une contrée civilisée et non sur des sommets sauvages. « C'est bien là ce qui me l'a fait choisir, » dit le prince, « et ce qui m'a empêché de retenir notre appartement, c'est que nous sommes partis tout à fait à l'improviste, sans nous en douter, le lendemain du jour où le médecin a rendu son ordonnance. » Assurément, le Kellner était vivement touché pour ces raisons, mais que pouvait-il ? Disant cela, il s'était tourné vers Horace, comme pour remettre la solution de cette difficulté entre ses mains. Mais comme Horace ne répondait pas, le Kellner continua. « Nous avons bien en haut, tout en haut, sous les toits, deux chambres, ou plus justement deux cabinets, mais qui ne sont pas habitables pour des dames. Si son excellence tient essentiellement à loger au rigis, il n'y aurait qu'un moyen, ce serait que monsieur le colonel cède à la chambre lui servant de salle à manger. En même temps, ce serait que monsieur Horace Cooper voulut bien abandonner aussi sa chambre et se contenter d'un cabinet sous les toits. Alors les deux dames auraient un appartement convenable. Il est vrai que son excellence et M. Horace Cooper seraient horriblement mal logés. Mais comment faire autrement, en attendant le départ de quelques pensionnaires, départ prochain d'ailleurs, et qui ne dépasserait pas deux ou trois jours ? « Il faudrait voir le colonel, » dit le prince, « car malgré l'ennui que tout cela pourra lui causer, je suis certain qu'il ne nous refusera pas ce service. » Dans les conditions critiques où nous nous trouvons. » Horace accueillit avec empressement cette idée qui le tirait d'embarras. Car malgré son envie de retenir Mademoiselle Belmonte et de la voir se fixer au Glion, il n'osait prendre sur lui d'accepter l'arrangement proposé par le prince Mazzazoli. Il y aurait eu là, en effet, un acte d'autorité un peu trop violent. Il fallait donc attendre le retour du colonel. Mais à quelle heure aurait lieu ce retour ? C'était ce qu'Horace ne savait point. Tout ce qu'il pouvait affirmer, c'était qu'il rentrerait sûrement couché. Le prince ne parut pas se désoler de ce contretemps et, en réfléchissant, Horace comprit que plus son maître rentrerait tard, plus il y aurait de chances pour lui qu'il cède à sa chambre. Ce n'est pas dans la nuit qu'on met les gens à la porte. Mademoiselle Belmonte resterait donc au Glion et le colonel serait bien forcé de se laisser distraire. Cependant, assez inquiet sur la façon dont son maître prendrait cette arrivée et cette installation au Glion, Horace voulut aller au-devant de lui pour le prévenir. Et tandis que le prince Mazzazzoli faisait venir ses bagages de Montreux, un homme qui ne doute pas de l'acceptation de ses combinaisons, Horace quitta l'hôtel pour aller se poster sur le chemin par lequel il supposait que le colonel devait revenir de sa promenade. Les heures s'écoulèrent sans que le colonel parût. Déjà les ombres qui avaient envahi les vallées les plus basses commençaient à monter le long des montagnes et l'air se rafraîchissait. Comme Horace se demandait s'il ne devait pas rentrer à l'hôtel, il aperçut son maître qui descendait le sentier au bout duquel il attendait. Le colonel marchait lentement, le bâton ferré sur l'épaule, la tête inclinée en avant, comme un homme préoccupé qui suit sa pensée et ne se laisse pas distraire par les agréments du chemin qu'il parcourt. Il vint ainsi, sans lever la tête, jusqu'à quelques pas de Horace. Mais l'ombre que celui-ci projetait sur le chemin l'arrêta et lui fit lever les yeux. « Toi, » dit-il, « oui, je suis venu au-devant de vous, au-devant de moi. Et pourquoi donc? Que se passe-t-il ? » Le colonel lança ses trois interrogations d'une voix rapide, brusquement, et Horace remarqua qu'il avait rougi. « C'est monsieur le prince Mazzazzoli qui est arrivé à l'hôtel. Le prince Mazzazzoli, ainsi que madame la comtesse Belmonte et mademoiselle Carmelita. Et qui leur a dit que j'habitais cet hôtel du Rigi ? Ils ne savaient pas trouver mon colonel. « C'est encore là une de tes sottises avec ton colonel. On aura su qui j'étais. Je vous assure qu'ils ignoraient que vous étiez en Suisse. Comment sais-tu cela ? C'est le prince lui-même qui me l'a dit. » Et Horace expliqua comment il avait par hasard rencontré la calèche qui amenait le prince Mazzazzoli à l'hôtel du Rigi, et comment le prince lui avait expliqué qu'il venait en Suisse pour la santé de la comtesse. Il fallait à celle-ci une habitation à une altitude élevée. C'était, disaient les médecins, une question de vie ou de mort. « Je croyais qu'il n'y avait pas de chambre disponible en ce moment à notre hôtel, » interrompit le colonel. « Justement, il n'y en a pas. Eh bien, alors ?» Horace entreprit le récit de ce qui s'était passé, comment le sommelier avait été amené par hasard, par force, pour ainsi dire, à parler de la chambre que le colonel transformait en salle à manger, et comment le prince attendait l'arrivée du colonel pour lui demander cette chambre. À ce mot, le colonel frappa fortement la terre de son alpenstock. « C'est bien, » dit-il, « je ne rentre pas. Le prince se décidera sans doute à chercher plus loin. Tu diras que tu ne m'as pas rencontré. Je ne reviendrai que dans quelques jours. » « Ah, mon colonel !» Et Horace, qui voyait s'épanouir ainsi le plan qu'il avait formé, essaya de représenter à son maître combien cette explication serait peu vraisemblable. Pendant quelques secondes, le colonel resta hésitant, puis tout à coup, comme s'il avait pris son parti. « C'est bien, rentrons à l'hôtel. Puis-je prendre les devants pour annoncer votre arrivée ?»« Non, je désire m'expliquer moi-même avec le prince. »